Le livre de Monel, deuxième partie, les sœurs de Monel. La fidèle. L'amoureux de Janie était devenu matelot, et elle était seule, toute seule. Elle écrivit une lettre, et la scella de son petit doigt, et la jeta dans la rivière, parmi les longues herbes rouges. Ainsi, elle irait jusqu'à l'océan. Janie ne savait pas vraiment écrire, mais son amoureux devait comprendre, puisque la lettre était d'amour. Et elle attendit longtemps la réponse, venue de la mer, et la réponse ne vint pas. Il n'y avait pas de rivière pour couler de lui jusqu'à Janie. Et un jour, Janie partit à la recherche de son amoureux. Elle regardait les fleurs d'eau et leurs tiges penchées, et toutes les fleurs s'inclinaient vers lui. Et Janie disait en marchant, « Sur la mer, il y a un bateau. Dans le bateau, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a une cage. Dans la cage, il y a un oiseau. Dans l'oiseau, il y a un cœur. Dans le cœur, il y a une lettre. Dans la lettre, il y a écrit « J'aime Janie ». J'aime Janie est dans la lettre est dans le cœur est dans l'oiseau est dans la cage est dans la chambre est dans le bateau est très loin sur la grande mer. » Et comme Janie ne craignait pas les hommes, les meuniers poussiéreux, la voyant simple et douce, l'anneau d'or au doigt, lui offrait du pain et lui permettait de coucher parmi les sacs de farine avec un baiser blanc. Ainsi, elle traversa son pays de rochers fauves et la contrée des basses forêts et les prairies plates qui entourent le fleuve près des cités. Beaucoup de ceux qui hébergeaient Janie lui donnaient des baisers, mais elle ne les rendait jamais. Car les baisers infidèles que rendent les amantes sont marqués sur leurs joues avec des traces de sang. Elle parvint dans la ville maritime où son amoureux s'était embarqué. Sur le port, elle chercha le nom de son navire, mais elle ne put le trouver, car le navire avait été envoyé dans la mer d'Amérique, pensa Janie. Des rues noires obliques descendaient au quai des hauteurs de la ville. Certaines étaient pavées, avec un ruisseau dans le milieu. D'autres n'étaient que d'étroits escaliers, faits de dalles anciennes. Janie aperçut des maisons peintes en jaune et en bleu, avec des têtes de négresses et des images d'oiseaux à bec rouge. Le soir, de grosses lanternes se balancèrent devant les portes. On y voyait entrer des hommes qui paraissaient ivres. Janie pensa que c'étaient les hôtelleries des matelots revenant du pays des femmes noires et des oiseaux de couleur. Et elle eut un grand désir d'attendre son amoureux dans une telle hôtellerie qui avait peut-être l'odeur du lointain océan. Levant la tête, elle vit des figures blanches de femmes, appuyées aux fenêtres grillées, où elle prenait un peu de fraîcheur. Janie poussa une double porte et se trouva dans une salle carrelée, parmi des femmes demi-nues, avec des robes roses. Au fond de l'ombre chaude, un perroquet faisait mouvoir lentement ses paupières. Il y avait encore un peu de mousse dans trois gros verres étranglés sur la table. Quatre femmes entourèrent Janie en riant, et elle en aperçut une autre, vêtue d'étoffes sombres, qui cousait dans une petite loge. « Elle est de la campagne !» dit une des femmes. « Chut !» dit une autre. « Faut rien dire !» Et toutes ensemble lui crièrent. « Veux-tu boire, mignonne ?» Janie se laissa embrasser et but dans un des verres étranglés. Une grosse femme vit l'anneau. « Vous parlez et c'est marié !» Tout toutes ensemble reprirent. « T'es mariée, mignonne ?» Jeannie rougit, car elle ne savait si elle était vraiment mariée, ni comment on devait répondre. « Je les connais, ces mariés !» dit une femme. « Moi aussi, quand j'étais petite, quand j'avais 7 ans, je n'avais pas de jupon. Je suis allée toute nue au bois pour bâtir mon église, et tous les petits oiseaux m'aidaient à travailler. Il y avait le vautour pour arracher la pierre, et le pigeon avec son gros bec pour la tailler, et le bouvreuil pour jouer de l'orgue. Voilà mon église de noces et ma messe. Mais cette mignonne a son alliance, pas ?» dit la grosse femme. Et toutes ensemble crièrent. « Vrai ? Une alliance ?» Alors elles embrassèrent Jeannie l'une après l'autre, et la caressèrent, et la firent boire, et on parvint à faire sourire la dame qui cousait dans la petite loge. Cependant, un violon jouait devant la porte, et Jeannie s'était endormie. Deux femmes la portèrent doucement sur un lit, dans une chambrette, par un petit escalier. Puis toutes ensemble dirent « Faut lui donner quelque chose, mais quoi ?» Le perroquet se réveilla et jabota. « Je vais vous dire !» expliqua la grosse. Et elle parla longuement à voix basse. Une des femmes s'essuya les yeux. « C'est vrai, » dit-elle, « nous n'en avons pas eu, ça nous portera bonheur. »« Pas ? Elle pour nous quatre, » dit une autre. « On va demander à madame de nous permettre, » dit la grosse. Et le lendemain, quand Jeannie s'en alla, elle avait à chaque doigt de sa main gauche un halo d'alliance. Son amoureux était bien loin, mais elle frapperait à son cœur pour y rentrer avec ses 5 anneaux d'or.